les Américains aussi? Ah non, non, non. Eux, ils sont Américains, mais moi, je suis Brésilien. Moi, je suis Brésilien. Moi, je suis Brésilien. Moi, je suis Brésilien. Est-ce que le troisième jeune homme est américain aussi? Non, il est brésilien. C'est bon, vous pouvez passer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Allez-y, passez, allez-y, passez. Où vas-tu? À la cité universitaire. À la cité universitaire. La cité? La cité universitaire. La cité universitaire. À la cité universitaire. À la maison brésilienne. La maison, la maison. La maison brésilienne. À la maison brésilienne. Où le Brésilien va-t-il? À la cité universitaire, à la maison brésilienne. Il y a une maison brésilienne à la cité? Oui, bien sûr. Il y a une maison brésilienne pour les étudiants brésiliens. Pour les étudiants brésiliens. Pour les étudiants brésiliens. Il y a une maison brésilienne. Il y a une maison brésilienne. Une maison suédoise. Une maison suédoise. Pour les Suédois. Pour les Suédois. Pour les Suédois. Pour les Suédois. Une maison danoise. Une maison danoise. Pour les Danois, pour les Danois. Une maison japonaise, pour les Japonais. Une maison japonaise, pour les Japonais. Une maison cambodgienne, pour les Cambodgiens. Une maison cambodgienne. Pour les Cambodgiens. Une maison cubaine pour les Cubains. Une maison cubaine pour les Cubains. Et une maison américaine pour les Américains. Et une maison américaine pour les Américains. Les Suédois vont-ils à la cité universitaire en général? À la maison suédoise. Et les Danois? À la maison danoise. Et les Japonais? À la maison japonaise. Et les Cambodgiens? À la maison cambodgienne. Et les Cubains, où vont-ils? À la maison cubaine. Et les Américains? À la maison américaine. Et toi, tu vas à la maison américaine? Ah non, non, non. Moi, je ne vais pas à la cité. Non, moi, je ne vais pas à la cité. Je ne vais pas à la cité. Est-ce que le jeune homme américain va à la maison américaine? Non, il ne va pas à la cité. Je vais au quartier latin. Au quartier latin. Au quartier latin. Je vais au quartier latin. Où est-ce qu'il va? Au quartier latin.